chacune d'elles compte pour un baiser, un souvenir. Toi tu l'ignores. Pourquoi ne balayes-tu pas mes amours mortes? Pourquoi attends-tu que le vent les emporte? Quand je reviens planer sur les quais, c'est trop fort. Je revois ton visage en surimpression. Je revois aussi voler tes cheveux fous, tes yeux si doux. J'oublie que je suis là tout seul sur les quais.